Bonsoir, j'espère que tu es prêt pour ce podcast. Si tu as le cafard, pense en nous pour te faire vibrer la mâchoire ainsi que ton quintin. Un teufeur, sachant teuffer, doit toujours jeter ses déchets dans un sachet. Jouissons. derrière les platines.